Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL Radio, en DAB+, et sur 99FM. Et maintenant, en platine, papa. Grand-maman. Hello, hello, la planète RPL. Bienvenue dans Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin sur votre radio RPL. En écoute sur le 99FM dans la grande métropole lilloise, en DAB+, c'est-à-dire en radio numérique ou via le site. Je vous donne l'adresse, c'est le www.rpl.radio. C'est Kimbo pour vous accompagner jusqu'à 9h. Auparavant, et oui, c'était Tonton J, son émission Back to the House. Il sera au rendez-vous samedi prochain. Nous sommes partis pour 2 heures de musique électronique. On va encore se faire 2 heures de mix ce matin. Donc si t'es au boulot, ben on te souhaite bon courage. Et si t'es dans ton lit, move ton body. Allez, on continue ton week-end électronique. DAB+, Fréquence Club, le son qui vous va bien. for my gift, then I thank God it's still there, that when I wake up in the morning, I hear those melodies and have those ideas in my head. Music is my first love, and which is outside of my family. You know, to wake up in the morning with a melody in my head is a great gift. RPL Radio. club Drafter du samedi matin. We'll be right back. On vous aime sur les ondes d'RPL. tous les replays sur le www.fréquenceclub.com. Fréquence Club sur RPL, c'est la base, mec. We'll be right back. et un thé. On va enchaîner. C'est parti pour la deuxième heure de Fréquence Club, le son qui vous va bien. Et oui, chaque samedi matin, votre after vitaminé. C'est toujours Kimbo. vous n'allez plus jamais écouter la radio comme avant. RPL Radio est en DAB+, 24 heures sur 24.